Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo en radio qui se déroulent en fin de semaine. On va parler de golf avec notre ami Pierre-Alexandre Bédard pour parler un peu de la nouvelle de la semaine dernière qu'il passe maintenant chez les professionnels et également du championnat canadien amateur où il a joué la semaine passée. Salut Pierre-Alexandre! Salut Daniel. Pierre-Alexandre, si on y allait maintenant avec ce qui s'est passé, avant de parler de ta décision de passer chez les professionnels, la semaine passée, c'était le championnat canadien amateur à Ottawa et ça a été quand même assez conclu, mais est-ce que tu es quand même content de ta performance? Effectivement, on a joué à Ottawa, le championnat canadien, et puis un autre terrain de golf aussi à Eagle Creek. Okay. Les conditions de terrain étaient très très belles, étaient très difficiles aussi là, les roughs qui étaient aux alentours de 5 à 6 pouces, puis les vagues étaient très très rapides. Les conditions qu'on n'est pas habitué de voir chez les amateurs. Non, j'ai été je suis pas déçu, j'aurais aimé faire un top 20. J'ai fini 36e au total là, pour le Canadien. Il y avait 260 golfeurs. Okay. C'est sûr que j'aurais aimé ça peut-être faire un top 20, mais non. J'ai vraiment bien frappé la balle pour ce côté-là. Je suis vraiment très satisfait. Mon niveau de jeu est vraiment de calibre là, avec les meilleurs amateurs. Les meilleurs amateurs qui étaient là, même je dirais dans le top 200 au monde, là, mon calibre de jeu est vraiment rendu assez élevé. Okay. Niveau short game, c'est plus ce point-là que je vais devoir travailler encore là, dans les prochaines semaines si je veux faire les bonnes performances là, dans mes débuts professionnels. Mais non, je suis quand même satisfait quand même. Puis j'ai vu ce que j'avais à voir. Puis j'ai été content quand même de finir ma carrière amateur sur ce tournoi-là. Puis, je me concentre là, sur mes prochains événements. OK. Est-ce que le calibre est fort? Y a-t-il des Américains qui sont là, sûrement? Hein? Effectivement. Il y avait une cinquantaine de gens qui venaient d'autres pays. Il y avait à peu près une quinzaine de pays qui étaient représentés, dont les États-Unis, l'Australie. Il y avait des Européens qui étaient là aussi, Chinois. Il y avait vraiment des bons joueurs de golf. Il y avait plusieurs joueurs qui avaient évolué sur la PGA aussi, là, entre autres Jared Dutoit qui avait joué le RBC Canadian Open là, en fin juillet à Toronto, qui avait très bien performé, il était là cette semaine. Andy Zeng qui a joué US Open aux alentours de 14-15 ans. Il y avait vraiment des bons joueurs, puis c'est pour ça que c'était un bel endroit pour moi aussi de constater mon niveau de jeu par rapport à eux. Puis je pense que là, présentement, là, c'est le temps pour moi de passer à autre chose puis de me concentrer là, davantage sur mon golf. Mais c'était prévu que tu allais passer chez les professionnels, hein? Exact. J'avais établi un plan avec mon entraîneur là, l'année passée. Okay. Puis j'avais décidé de prendre un arrêt avec l'Université Laval. Là, j'avais passé mon hiver en Floride pour aller pratiquer mon golf. Puis j'avais décidé de rester amateur. Okay. Pour prendre le temps d'arriver prêt comme il faut professionnel. Puis, dans le fond, je ne regrette pas prendre toute ma décision. J'ai passé encore une belle été. J'ai joué beaucoup de tournois. Je me suis bien préparé. Puis je vais entamer ma carrière professionnelle là, cette semaine à Coupe Canada à Victoriaville. OK. C'est-tu plus de tournois? C'est-tu plus de voyagements? C'est quoi la différence au niveau professionnel? C'est sûr que les joueurs sont meilleurs, sont professionnels. Mais à part de ça, là, ça coûte-tu plus cher les frais? C'est quoi? C'est sûr que les frais d'inscription sont un petit peu plus dispendieux. Okay. Mais c'est pas ça nécessairement la grosse différence. Là, la plus grosse différence, c'est qu'on peut faire de l'argent dans les tournois. OK. Côté amateur, il n'y a aucun revenu, seulement des dépenses. Donc, ouais. Ce côté-là, c'est sûr, c'est un peu plus dur financièrement. Mais non, côté professionnel, c'est sûr, on peut gagner des bourses. Donc, c'est quelque chose qui devient attirant, puis le fun en même temps. Quand c'est quelque chose qu'on est capable de gérer comme il faut, puis de ne pas se stresser avec ça, ben C'est sûr, ça rajoute du piquant, puis ça rajoute du fun à la game de golf. OK. Donc, c'est la Coupe Canada que tu commences ton premier tournoi à Coupe Canada, c'est ça? Coupe Canada. Ensuite de ça, il y a le Manac, un nouveau tournoi à Saint-Georges-de-Beauce aussi, qui est entre le fin août, en fait. OK. Puis, dernière semaine d'août, je vais en semaine prochaine. Puis, non, ça va être, encore une fois, c'est deux beaux tournois pour moi là, qui s'en viennent. Ça va bien commencer ma carrière amateur aussi. Probablement deux des plus gros tournois au Québec professionnels. Fait que, donc, il va y avoir des gens qui s'adorent, beaucoup qui vont venir du reste du Canada, puis probablement un petit peu des États-Unis. Mm. Donc, non, j'ai vraiment bien hâte de jouer avec ces gens-là. Puis, je pense que je vais être capable de bien performer dès le début de ma carrière professionnelle. Oui. Est-ce que, c'est la PGA Québec, c'est ça? La PGA du Canada, là, c'est un nouveau circuit. Okay. Ça s'appelle le Circuit Canada Pro Tour. Puis ça regroupe les meilleurs golfeurs professionnels un peu de l'Ontario, puis du Québec. Okay. Puis je rajoute à ça quelques golfeurs là, de l'extérieur un petit peu qui viennent. Mais non, c'est un beau petit circuit, des belles bourses, des bons golfeurs. Puis on va essayer de faire ma marque là-dedans. Dans le fond, là, c'est un peu pour ça que j'avais pris le temps de rester amateur, de l'arriver prêt. Puis là, je pense que je regretterai pas, puis je vais arriver prêt directement au premier tournoi, puis je vais vouloir performer dès le début. OK, parce que je dis ça parce que j'avais lu quelque part que la PGA du Québec était en faillite. Ça n'a pas de lien du tout, là? Non, ça touche pas là, nécessairement les tournois provinciaux pour pour les professionnels du Québec. Mais c'est ça, non, ça touche pas. OK. Ben, Pierre-Alexandre, on va te souhaiter la meilleure des chances, toujours le fun de te parler. C'est le premier tournoi, c'est quand? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jeudi, vendredi, samedi. Victoriaville, il va y avoir une coupure après deux rondes. Puis on va essayer de bien jouer, puis de faire un top 15, top 20, ça serait vraiment de quoi de bien pour moi, je pense, là, pour mon premier tournoi. Ben, Pierre-Alexandre, un gros merci, on s'en reparle la semaine prochaine. Excellent, un gros merci, Danny. Le golfeur de Chicoutimi, Pierre-Alexandre.